suis pas bien tout seul dans la caisse, tu garais. Tu crois que c'est un bon pour une folle, il te laisse sur le carreau. J'ai des bons souvenirs, mais c'est qu'une amitié gâchée. On était ensemble, maintenant se parle plus pour des euros. Oh mon ami, qu'est-ce qui t'a pris, ça déconne. Un coup en traite, y'en a plus d'un que ça étonné. Y'a plus de pitié entre frangins, ça se met dedans. Oh mon ami, au final c'est qui le perdant. La liberté, non elle a pas de prix. Il fait pas beau, en ce moment le ciel est gris. Je te faisais confiance, oh mon ami, je croyais que tu gérais. Plus que temps de planer, tracer mon chemin, j'ai intérêt. Déperce pas plus, se sort tes armes pour un terrain. Ils font les beaux, ils font les chauds à 10 sur 1. T'es qu'une vieille mouille, tu serais un bonhomme, ça serait. Quand j'aime, je compte pas, mais dis-moi pourquoi profiter. J'suis pas bien tout seul dans la caisse, tu garais. Tu crois que c'est un bon pour une folle, il te laisse sur le carreau. J'ai des bons souvenirs, mais c'est qu'une amitié gâchée. On était ensemble, maintenant se parle plus pour des euros. Oh mon ami, plus jeune on était heureux. Raconte pas ta vie, à chaque bien y'a un envieux. Oh mon ami, je m'en fous de ce qu'il dit, je fais comme je sens. J'sais que tout est éphémère et de tout je finis par me lasser. J'suis dégoûté dans ma tête, j'sais pas ce qui se passe. J'sais que le temps presse, moi dans le rap je veux me faire une place. Oh mon ami, je ferai jamais partie de ceux qui l'air. Parce qu'ils sont mal vus et sans mentir c'est la hèche. Si je réussis pas, c'est mon destin pas la poisse. Comment tu me verras si tu vois l'allemand dans la presse. Chacun sa route mais je prie Dieu que nos chemins se croisent. J'prends pas la grosse tête parce que sinon les rats me clashent. De toute façon y'a rien, j'suis qu'au début, pourquoi tu te fâches. Oh mon ami, j'prends mon élan pour leur mettre une gouache. J'suis pas bien tout seul dans la caisse, j'suis garé. Tu crois que c'est rien bon pour une folle, il te laisse sur le carreau. J'ai des bons souvenirs mais c'est qu'une amitié gâchée. On était ensemble, maintenant se parle plus pour des euros. J'suis pas bien tout seul dans la caisse, j'suis garé. Tu crois que c'est rien bon pour une folle, il te laisse sur le carreau. J'ai des bons souvenirs mais c'est qu'une amitié gâchée. On était ensemble, maintenant se parle plus pour des euros. Oh mon ami, je me demande c'est quoi la vie d'artiste. Je veux faire le million parce que j'ai trop vu maman triste. Wesh la tête, si je veux tirer m'en voulais pas. On brûle à petit feu, on se rapproche de la mort à petit pas. Pour mes frères partis de là où je suis, je vous oublie pas. Oh mon ami, oui j'ai plein de choses à regretter. Même si j'ai tout, bah y'a des jours où je souris pas. Malheur et peine, elle t'apporte quoi de ta cité.